32e leçon. Le métro. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez le métro. Le système est très efficace. Et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Exercice. Ils veulent y aller à pied. Les Parisiens prennent le métro tous les jours. Ce train circule tous les jours, sauf dimanche et fêtes. Nous changeons notre voiture la semaine prochaine. Le métro est ouvert jusqu'à 1h du matin.